Les ondes de CKJR, le commissaire de la Ligue du lac au fleuve, Mathieu Caron, a parlé de la prochaine année et quelques petites primeurs. Donc, on écoute l'entrevue qu'il a réalisée avec Michel Tifot et Dominique Baudu. Hockey senior, senior. 16h14. Ça fait de bon ça, on a jasé beaucoup de la Ligue nord-américaine. Alors, on va attendre un petit peu, là. Qu'ils règlent le problème, là. C'est ça. Ils veulent pas faire de lac à l'épaule, bon, ben, qu'ils s'organisent. Je pensais à ça. Ils ont jusqu'au 18. 18, ces élections. Ouais, c'est vrai. Ils attendent-tu que c'est Richard Martel? Arrête. Mathieu Caron, bonjour. Hey, bonjour, Michel. Bonjour, Dominique. Président ou commissaire de la Ligue du lac au fleuve? On est rendu avec le terme commissaire, depuis 2 semaines. Si je me trompe pas, puis corrige-moi si je me trompe, commissaire, c'est plus pesant que président. Plus de pouvoir. Ben effectivement. Avant qu'on ait le changement, là, au cours de la saison passée, là, j'avais plus le titre de directeur général. Donc, moi, j'étais vraiment en dessous du bureau du gouverneur. J'écoutais les tâches que le bureau du gouverneur me demandait. Mais maintenant, étant donné que la Ligue a quand même été un très bon succès l'année passée et qu'on a besoin de beaucoup de visibilité, on a besoin de faire la promotion, on a besoin peut-être d'expansion, les partenaires et tout, ben c'est vraiment c'est un travail de commissaire. C'est vraiment une personne, la plus haute personne au niveau de la Ligue là, qui gère ce volet-là. Donc là, maintenant, là, les gouverneurs m'ont demandé voir si je voulais, j'étais intéressé à prendre ce poste-là. Puis je l'ai pris avec plaisir suite à toutes les. Avec le succès de la ligne l'année passée, j'étais pas pour laisser ça passer là, à ce niveau-là. Je peux-tu te poser une question à 100$? Vas-y, voir. T'as-tu peur? Vas-y, on va voir. Voici ma question. Elle est courte à part de ça. La Ligue nord-américaine, ils t'ont-tu appelé? Non, j'ai pas eu d'appel à ce niveau-là. Okay. Et honnêtement, je pense pas que je suis rendu à ce niveau-là. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus grands là pour la Ligue nord-américaine. Puis je sais pas. Comme je vous dis présentement avec ce qui se passe là, j'aurais eu une approche là. Je pense pas que ça aurait été un défi, j'aurais aimé vraiment relever là, pour le moment. OK. La semaine passée, quand on s'est jasé, tu me dis je m'en vais à Sherbrooke. Moi, je pensais que c'était pour l'expansion. Tu me dis non, c'est pour un nouveau partenaire. Puis tu peux nous donner des détails. Effectivement. Ben écoute, c'est pas un gros partenaire, mais ce partenaire-là va nous aider à aller chercher d'autres plus gros partenaires. C'est que au niveau de la visibilité de la Ligue, on avait besoin d'une solution. Une solution technologique qui va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir promouvoir la Ligue encore plus sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. On est rendu en 2018, fait que c'est vraiment le gros plus qu'on a besoin pour une organisation de pouvoir être pour se faire voir. Puis donc, je suis allé signer la semaine passée une entente avec Choc Média Sport qui va être notre partenaire technologique pour la prochaine saison 2018-2019. Oh. Avec eux, on va gérer notre nouveau site web et qu'on va pouvoir chercher nos partenaires pour exactement vendre un peu plus de publicité pour les biens de la Ligue. On a choisi Shark Media Sport parce qu'ils ont déjà ils travaillent déjà avec la Ligue nord-américaine, ils travaillent aussi avec la Ligue d'hockey senior, donc ils connaissent beaucoup le volet senior. Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables de pouvoir nous aider à ce niveau-là. En plus, Nick Beaulieu, mon représentant là-bas, qui est le VP marketing et vente là, chez Shark Media, c'est un gars qui connaît aussi le hockey senior. Il a été impliqué dans le hockey senior qu'il y avait dans le temps à l'esprit. Donc, c'est même quelqu'un avec qui j'ai jasé qui m'a donné beaucoup de in un peu qu'est-ce qui se passe dans le hockey senior au niveau provincial. Donc, c'est une très bonne ressource pour moi en même temps pour être en mesure de pouvoir gérer la Ligue bien comme il faut. La Ligue de hockey du lac au fleuve, l'an dernier, avec 4 équipes, Dolbeau-Mistassini, Charlevoix, Jonquière et Haute-Côte-Nord. Pour 2018-2019, quelles seront les formations? Est-ce qu'il va en avoir 4, 5 ou 6? Ben, pour l'instant, je te confirme que les 4 équipes de l'année passée vont être de retour pour la prochaine saison, pour 2018-2019. Ça a été confirmé lorsque j'ai fait ma rencontre. Là, j'ai rencontré chacune des équipes là, à peu près 3 semaines pour vraiment prendre les pouls. Puis les 4 équipes m'ont confirmé qu'elles allaient revenir, c'est sûr et certain. Pour ce qui est, qu'est-ce qui est au niveau de l'expansion? Encore là, j'ai pas d'avancement pour ça. C'est un dossier que je vais travailler au courant de l'été. C'est sûr que si on réussit pas à avoir une cinquième équipe, c'est pas si grave que ça, parce qu'encore là, on est dans le début de la Ligue. Là, on l'a dessiné, maintenant on va la colorier vraiment comme il faut pour être sûr que l'année, si on décide pour 2019-2020 d'aller chercher une autre équipe en plus, dans notre Ligue, ben là, on va être encore plus fort et je pense que les gens vont être encore plus intéressés à pouvoir embarquer notre organisation. Est-ce que tu fais des recherches pour une cinquième ou une sixième équipe? Parce que la Ligue nord-américaine, là, ça fait plusieurs mois qu'ils cherchent et ils ne trouvent pas, malheureusement. Ben, c'est sûr que nos frais d'exploitation sont beaucoup plus minimes que qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la Ligue nord-américaine. Le hockey senior, notre volet un peu, qu'est-ce qu'on donne comme service, c'est quelque chose qui est plus facile à gérer, qui demande moins de coûts. Puis là, ça commence à pousser. Là. Comme là, présentement, il y a une ligue dans la Gaspésie, ils sont en train de partir avec quatre équipes comme notre ligue. Et les autres, ils vont faire leurs petites affaires aussi. C'est la Ligue d'Outaouais aussi, ils se partent une ligue de hockey senior dans ce secteur-là. Fait que c'est des petites ligues qui sont en train de pousser un peu partout. Je pense que le marché qu'on offre, ben, c'est les coûts sont moins. Fait que c'est pour ça qu'il y a des intérêts un peu partout à ce qu'on va pouvoir, si on va trouver une. C'est sûr que dans la région en tant que telle, on ne peut pas avoir trop d'équipes. Mettons, si on pourrait pas avoir deux équipes au Saguenay ou deux équipes au Lac-Saint-Jean, simplement parce qu'on va venir à diluer un peu la qualité de joueurs qu'on a au niveau des équipes. Là. Donc là, on a présentement quatre équipes qui sont vraiment de très bon calibre. Si on commencerait à intégrer d'autres équipes, ben là, on perdrait peut-être des joueurs puis on viendrait peut-être diluer un peu le talent. Est-ce que je peux te nommer le nom d'une cinquième équipe potentielle, ce que j'en ai entendu parler? Certaines rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent, oui. Je peux pas dire de nom. Mais moi, je vais te le dire. Mathieu, je vais te donner le nom, puis tu me dis oui ou non. J'ai d'autres. Wendake, dans le nord de Québec. C'est une réserve indienne. Wendake, ils ont demandé. J'ai eu une rencontre avec eux. Ils m'ont demandé à savoir un peu des renseignements au niveau de notre organisation. Présentement, c'est sûr qu'avec eux, c'est plus complexe un peu. Là, ils ont un nouveau complexe, c'est géré par la banque là-bas. Fait que c'est ça qui est un petit peu vers la difficulté au niveau de la gestion. Je sais que les cahiers de charges ont été envoyés. J'attends les réponses à ce niveau-là. Mais oui, je sais que Wendake, c'était une équipe qui a approché notre organisation. Okay. Mais ça, je veux dire que... Oui. Ça coûte combien une franchise dans la Ligue de hockey du Lac-aux-Fleuves? Je peux pas vraiment révéler le coût en tant que tel, mais c'est vraiment le coût, là, il est d'un 4 chiffres là, minime. Là. Ça, je peux dire ça, c'est vraiment une cotisation. Les équipes, ils nous donnent une cotisation à la Ligue pour pouvoir conduire le fonctionnement de la Ligue et tout. Mais puis c'est un montant qu'ils donnent annuellement. Mais on n'a pas vraiment tu déposes pas un gros montant pour garantir. Là. Vraiment, tu payes ta cotisation. Puis c'est juste ça qu'on demande. Je suis content. Tu nous réponds avec franchise, monsieur le commissaire Mathieu Gahon. C'est un gars qui est bien transparent, puis j'aime bien ça, justement, être là pour, vraiment que j'entende pas des rumeurs, puis que ça parle, que ça circule, puis on sait jamais comment ça peut virer. Oui. Pose une question, j'y vais avec. Ma prochaine question, t'as vu à venir. On a jasé avant le début de l'entrevue, Dominique et moi. Puis l'an passé, j'avais posé la question à maintes et maintes reprises à Bob Desjardins quand ça a commencé. Je disais à Bob, les joueurs vont-tu être payés, tu vois venir, parce qu'il y a un danger. Je dis pas que j'avais pas le droit, c'est votre ligue, j'ai le droit de faire ce que vous voulez, là. Sauf qu'il y a un danger de partir le bal. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été payés ou qui sont payés ou qui seront payés? Le vrai danger des salaires, là, c'est le fait d'attirer du monde de l'extérieur. C'est ce qui a un peu tué certaines organisations en allant chercher, admettons, je pense dans l'histoire de l'ancienne Ligue senior qui avait dans le Haut-du-Lac, là, les frères Robert qui sont allés chercher à un moment donné à gros tarifs, mais c'est des gars vraiment qui viennent de l'extérieur de la région. Nous autres, notre organisation est faite en sorte que les équipes doivent provenir de la région. Donc, ils doivent être soit natifs d'un endroit de la région, puis en étant natif de cet endroit-là, admettons qu'il est natif de Delbeau, ben il appartient à l'équipe de Delbeau. Il peut pas décider d'aller jouer à Forestville tant et son temps que Delbeau l'ont pas libéré. Par contre, ma sous-question, là, un homme fort qui sait jouer au hockey, lui, il va dire, moi, je suis bien prêt à y aller, mais j'ai des risques. Je peux me faire blesser, perdre ma job. J'ai déjà joué dans un calibre supérieur. J'ai déjà été payé. Je veux 100, 150 piastres la game. La vraie conclusion là-dessus, c'est que nos joueurs, non, il n'y a pas de. Dans nos règlements, il y a vraiment une clause qui mentionne que les joueurs ne peuvent pas être payés, être rémunérés pour jouer dans la Ligue. Si un joueur est rémunéré, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sanction? Si les joueurs, on a des sanctions qui peuvent s'appliquer à ce niveau-là. Bon, c'est sûr que c'est un volet qui est toujours difficile à gérer à ce niveau-là, mais nos quatre équipes dans l'organisation ils ont été très honnêtes avec moi parce que certaines organisations m'ont montré leurs chiffres, un peu comment ils fonctionnent, puis je peux être garanti que les joueurs, la seule façon qu'ils reçoivent de l'argent, c'est par des frais de déplacement. C'est la seule chose qu'ils reçoivent. OK, ma prochaine question, là, c'est pas une question à 100$, c'est une question à 200$. Oh. Advenant le cas, Mathieu, que la Ligue nord-américaine meurt, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous chercher des joueurs? Allez-vous chercher... Tu sais, par exemple, des gars de la région comme Jean-Michel Bolduc, Christopher Gay, comme Jean Simon Allard, qui probablement vont vouloir continuer à jouer. Parce que là, vous pourriez changer complètement la donne de votre ligue, là. Ben, effectivement, je souhaite pas le malheur à la Ligue nord-américaine parce que c'est une très belle organisation. Comme vous savez, j'étais 3 ans dans l'organisation de la Ligue nord-américaine comme superviseur des officiels. J'ai vraiment, tu sais, j'ai adoré cette ligue-là, j'ai adoré un peu le calibre de jeu qu'il y avait. Sauf que si c'est vrai que la Ligue nord-américaine n'a pas le choix de mettre fin à leurs activités, c'est sûr que oui, pour nous autres, on va avoir certains joueurs qui vont peut-être être intéressés à venir jouer. Mais encore là, il y a toujours le risque que ces joueurs-là peuvent aller peut-être jouer dans la Ligue senior à Mauricie. Ça, c'est dans le senior 3A. Ça, c'est un risque qu'il pourrait peut-être avoir. Les avantages, c'est d'aller chercher ces joueurs-là, les quelques joueurs de la région là qui évoluent dans la Ligue pourront probablement s'ils désirent venir jouer dans la Ligue. C'est sûr et certain que là, on va augmenter de calibre. Si ça arrive, on va voir qu'est-ce que ça va dire à ce niveau-là. Mais je pense que c'est sûr et certain que le calibre risque d'augmenter un petit peu là. T'as mentionné tout à l'heure, Mathieu, que tu as été impliqué dans la Ligue nord-américaine. On voit bon, toutes les difficultés. Il n'y aura pas de nouvelles avant le 18 juin. S'il y a 5 équipes, la Ligue meurt. Selon toi, c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'il faudrait changer à court terme à la Ligue nord-américaine pour que ça se poursuive et qu'il y ait de nouvelles équipes qui s'amènent? Je suis d'accord sur le fait que oui, les frais d'exploitation, je crois qu'ils sont vraiment très élevés au niveau du calibre. Je parle de Robert Val. Robert Val, ça aurait été probablement un beau projet, mais le problème qui était, c'est justement au niveau de chercher tous les frais des commanditaires. En région, c'est pas tout à fait facile côté économique non plus. Fait que ça peut être très dur pour tout le monde de pouvoir investir là-dedans. Fait que je crois que c'est vraiment là, la grosse faiblesse, c'est vraiment ça. C'est au niveau de ça. Et l'autre problème que je peux voir, c'est au niveau du bureau de direction à l'intérieur. Ben pas vraiment le bureau de direction, mais plus au niveau des gouverneurs qui donnent pas beaucoup de chance au bureau de direction de pouvoir avancer des idées, de pouvoir évoluer. Moi, je parle juste que on avait le programme de supervision des officiels qu'on avait l'année passée, mais qui ont décidé de couper parce que ça coûtait un petit peu trop cher. Donc là, ça a été une idée que Jim Chendy avait apportée, qui avait été très bien, qui avait été appréciée par les officiels. Mais là, ils ont décidé de couper ça. Moi, je vous dis, c'est une coupe des superviseurs dans une ligue qui se considère professionnelle. Ça, j'ai un peu de misère à ce niveau-là. Mais bon, ça, c'est leur décision, ça leur reste à eux. Mais c'est vraiment, je pense que les gouverneurs, les propriétaires devraient laisser la chance à leur bureau de direction de travailler comme il faut pour faire évoluer la ligue. Je pense que ça, c'est la grosse chose. Je pense que c'était Desgagné qui avait dit ça à un moment donné. Je peux pas croire qu'il y a eu 30 préfets de la discipline qui a passé dans toute l'histoire de ces ligues-là. Je peux pas croire que ça va être ça. Fait que, c'est plusieurs. Cette méthode de gestion-là, je crois qu'il est à changer. Puis c'est sûr que aussi, oui, les frais d'exploitation peuvent être très dangereux pour ça. Mathieu Caron, merci d'avoir répondu honnêtement à nos questions. Merci pour la transparence. Bonne chance. Longue vie à la Ligue de hockey du Lac au Fleuve. Oui. Moi, Michel, je peux juste te permettre aussi, on a peut-être je vais en faire une approche un petit peu. Je parlais un peu des ligues, on va y avoir une différence. On est en train de partir, on a avancé un projet de pouvoir faire un match interligue probablement là, au début de la saison. Il y a une ligue d'hockey sur la côte sud qui évolue à peu près sur le même calibre que nous autres. Fait qu'on est en train d'organiser, voir si on ne peut pas faire un match vraiment interligue entre les deux champions de chacune des ligues. pour pouvoir comparer un peu nos calibres et faire quelque chose vraiment d'intéressant là, pour le spectacle et tout. Excellente idée. Ben, bravo, puis bonne chance. Si très va loin. Oui. Si très loin, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Michel. Merci, Dominique. Bye.